carré rouge. Ouais, ouais. Hein? Là, du frais. Carré rouge. Ouais. Monte le son. Appel dangereux. Hein? Ouais. Ouais. Allez vous faire tous. Accident de plume, excitant, incitant, on crée moi le drame. On crame le secteur pour en tester un vexé, un blessé, un simple fait les autres. Cacher les bombes, pompe carré, shoot scénario. Salopard au mic, oubliant les connards, si t'en le fais. Click chain, guerre, KOM, crème, l'art suprême. Pour ma prime crue, ramener le rap roulé. Créer le suspense comme on fait le drop. Bordel, ce carré rouge, on grippe comme on peut, rap comme on veut. Pour prévenir tes potes, c'est F1, monument de série. Moi le naze, mon rap passe pour le bien et chien. Faut que tu penses, danse dessus. L'art de vérité, l'heure de vrai, ouais. Monte le son, bouche, appelle dangereux où le mec réfléchit. Si à quoi tu penses, je t'encule toi donc. Ferme ta gueule, you know, ça c'est mon jeu. Si tu gênes, j'te. Couche d'art, game, shoot d'art, mon project. Et le wall, wall, problème. Pour que t'aimes mon rap zone, mec, tu déconnes, fais pas chier. Ce carré rouge, appelle dangereux. Si ça te botte, toi et tes potes, c'est le bordel. Action sale, flic, coup de pute, pédale. Fling, fling, carré rouge de mine. Fling, fling, si ça te botte. Fling, fling, toi et tes potes. Fling, fling, appelle dangereux, c'est le bordel. Action sale, flic, coup de pute, pédale. Fling, fling, carré rouge de mine. Fling, fling, si ça te botte. Fling, fling, toi et tes potes. Fox dans le sport comme toi mon sparring partner. Là où je lui fais du punch. Informe tes potes que je pète les portes du hip hop. En compagnie de mon équipe, les tacles à la gorge. Rien à foutre si j'ai cop du rouge. Mec c'est du carré rouge, fais péter les watts. C'est pas du rap de pute, c'est du carré rouge. Rap criminel, hip hop de rouelle sombre. Écoute la zig, c'est le seul zeng zeb. On trahit pas la cote, j'ai choisi d'avancer. Les potes vivent des couilles pleines. Être un homme sans un but, but pleine. Loin de vivre comme un roi, j'en vis personne. Je persiste tant que les frères dansent sur une sale son. Force de sexe d'arnaque, on pète tous mes couilles. L'aide d'être un gangster, un fou. J'suis un gars comme toi capable de faire des trucs de fou. Dès que ça lui prend, allez viens si t'as du grand. Amène ta clé comme vous attend, je vous assure ce sera pas tant. 1-1 M-Studio 1-3, lyrical, criminel, lyric c'est les sites. Rime baston, rime vrai, rime cru, rime sale, rime plat. J'rime même souriant en souriant, j'irai, faut que j'assure visque. Mon job c'est d'encrasser le sang, de ça le fait. Carré rouge, c'est pas un truc de coup de tuc, c'est Manolo. Lyric criminel, criminel, criminel, criminel, criminel. Appel dangereux, si ça te botte, toi et tes potes, c'est le bordel, action sale, flic, coup de pute, pédale. Fling, fling, carré rouge de mine. Fling, fling, si ça te botte. Fling, fling, toi et tes potes. Fling, fling, appel dangereux, c'est le bordel, action sale, flic, coup de pute, pédale. Fling, fling, carré rouge de mine. Fling, fling, si ça te botte. Fling, fling, toi et tes potes. Fling, fling. Le bon père de mon sperme, de mon style et constate de l'extase. Rappa un extra comme un mec naze. On risque par 10, cherche piste par piste. Trop d'éveil tardif, tu te rends une Arline en Barbie. J'roule pour un big piece, va finir à Marseille victime. Dans le bonheur fictif, comme au 60s. L'oncle, peut-être qu'il se trompe quand il dit stop. À mon arrêt, manière déterminée de dire non à la discorde. Et bien qu'il se force à nous represser pendant qu'on se pousse. Nous, ma fait couscous, vivant tous fous, mec. Le but m'encourage, mon boucan. Ça part en couille à chaque fois que l'argent nous charme. J'ai choisi l'arme, texte explicite à portée de bon artifice. Force selon mon indice, divertissement. Mon sexe shit, on frappe l'asphalte pour notre job et à la tâche. Pour l'occasion, ramène ta ganache, tu sont taillés à la hache. Ils trouvent ça nul, vu par les sales, je suis pas dupe de la rue, pas pris, pas vu. L'état doit nous donner, le mal nous allume, appelle nananal. Pour calmer les tensions du macadam. Reston, Jazzy fuck. T'as mal les mecs, mal les mecs. Slam term, voyons. Faut que je représente du pur, pur sang. Carré rouge, carré rouge. Appel dangereux si ça te botte, toi et tes potes, c'est le bordel, argent sale, flic, coup de pute, pédale. Fling, fling, carré rouge de mine. Fling, fling, si ça te botte. Fling, fling, toi et tes potes. Fling, fling, appel dangereux, c'est le bordel, argent sale, flic, coup de pute, pédale. Fling, fling, carré rouge de mine. Fling, fling, si ça te botte. Fling,